Quand la Bible dit « la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive », c'est une vérité. Il y a une liste des personnes qui seront frappées par le jugement de Dieu. Première catégorie, ce sont des gens qui vivent dans l'impiété et qui commettent toutes sortes d'injustices. Souvent, dans nos bureaux, même dans nos églises, il y a des gens qui pratiquent l'injustice. Si tu es concerné, repens-toi. Dieu n'aime pas l'injustice. La Bible nous dit que la justice et l'équité sont la base de son trône. Deuxième catégorie, ce sont des personnes qui retiennent injustement la vérité captive. Cela veut dire que tu connais ce qu'est la vérité et toi tu ne veux pas dire la vérité. Tu retiens injustement la vérité captive. Homme de Dieu, tu dois prêcher l'évangile. Tu connais qu'il y a des gens dans ton église qui vivent dans la duplicité, qui vivent dans l'immoralité. Il y a une dame même qui te propose de rompre, de divorcer avec sa femme. Il y a une femme qui te propose de divorcer avec son mari. Tu connais ce que la Bible enseigne. Le divorce ne fait pas partie de la volonté parfaite de Dieu. Mais toi, tu veux l'encourager parce qu'il t'a promis de t'acheter une voiture. Tu retiens la vérité injustement. Ce n'est pas bon. Tous ceux qui retiennent injustement la vérité captive seront l'objet de la colère de Dieu. Si tu es concerné, repens-toi. L'autre catégorie qui seront frappés par la colère de Dieu, ce sont des gens qui rejettent la révélation naturelle de Dieu ou ayant connu Dieu parce qu'il s'est révélé par la nature. Quand nous voyons la création, nous voyons le ciel, nous voyons les étoiles, la lune, nous voyons même les forêts, les mers, les océans. Tous ces éléments prouve qu'il y a un Dieu qui existe. C'est pourquoi le verset 20 dit, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Conséquence, tous ceux qui ne se tournent pas vers Dieu sont inexcusables. Cela veut dire quoi? Il y a des gens qui prennent pour prétexte, « Oh, on ne m'a pas parlé de Jésus. » Il y a des gens qui se posent la question, « Quel est le sort des gens qui n'ont jamais entendu l'évangile ?» Dieu va les juger sur la base de la révélation naturelle. Dieu va leur dire, « Est-ce que tu n'as jamais vu le ciel, les étoiles, tout ce que j'ai créé ?» Démontre qu'il y a un Dieu qui a créé toutes ces choses. « Est-ce que tu m'as adoré ? Est-ce que tu t'es tourné vers moi ?» D'autres catégories de personnes qui seront frappés par la colère de Dieu, c'est ceux qui sont des idolâtres, les gens qui adorent les créatures, les gens qui adorent l'eau, les gens qui adorent les reptiles, les oiseaux, les gens qui adorent les crocodiles, les gens qui adorent les serpents, les gens qui adorent les bois sacrés, les forêts sacrées, les animaux. C'est abominable. Dieu ne tolère pas cela. Il ne peut pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. C'est interdit par la Bible. Il est dit au verset 23, « Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu vis encore dans ces choses-là, repens-toi pour que la colère de Dieu ne s'abatte pas contre toi. » Deuxième vérité, les conséquences de cette vie de péché ou les manifestations directes de cette colère. Qu'est-ce que Dieu fait? Déjà ici sur cette terre, on dit Dieu les a livrés à des passions infâmes. Vous voyez, le verbe les a livrés revient à peu près 2-3 fois. C'est-à-dire, lorsque on te prêche l'évangile, lorsque Dieu te parle par plusieurs moyens et que tu refuses de te convertir, Dieu te livre maintenant à tes pensées. Il te dit, fais ce que tu veux. C'est comme si ta conscience là, ne te dit plus rien. Dieu te livre. Qu'est-ce qu'il est dit ici? On dit, Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Vous voyez aujourd'hui, toutes ces méconduites sexuelles aujourd'hui qu'on voit, ce sont des preuves qu'il y a des gens qui déshonorent leur propre corps. Et le verset 26 clarifie l'idée en disant « C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. » Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes les salaires qui méritaient leur égarement. Quand la Bible parle de l'usage naturel, c'est-à-dire sur le plan sexuel, ce que Dieu a prévu de manière normale, c'est que l'homme doit s'unir à la femme. Et non, l'homme s'unir à l'homme, la femme à la femme. Donc, tout ce que nous voyons aujourd'hui, maintenant, ce sont des pratiques que la Bible qualifie de pratiques infâmes. Et ici, la Bible montre que ceux qui commettent de telles choses-là reçoivent le salaire de leur égarement. C'est-à-dire, on vit dans l'égarement. C'est pourquoi nous devons prier quand nous voyons le nombre des États qui légalisent l'homosexualité. Quand nous voyons même le nombre des églises qui commencent à accepter, bien-aimés, nous devons nous dire qu'il y a quelque chose d'anormal. Parce que pour nous les chrétiens, la parole de Dieu, la Bible, c'est notre boussole. Quand nous voyons qu'il y a des choses qui vont à l'encontre de ce que Dieu a prévu, nous devons prier, nous devons dire, est-ce que ceci ne peut pas attirer la colère de Dieu? La Bible nous dit au verset 32, « Et bien qu'ils connaissent les jugements de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement qu'ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. » Vous voyez, il y a des moments où le Seigneur va faire éclater sa colère, non pas seulement contre ceux qui les pratiquent, mais il dit aussi, mais contre ceux qui les approuvent. Cela veut dire, même si toi-même tu ne les pratiques pas, mais tu approuves ceux qui les font. On dit, le jugement de Dieu va s'abattre contre toi. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu, même si elle est dure, mais nous devons nous y conformer. C'est pourquoi je voudrais ce matin que nous puissions élever nos voix pour bénir l'Éternel. Si c'est révélé à nous, si toi tu n'es pas dans ces choses-là, dis-lui merci. Je voudrais que nous puissions chanter d'abord ces cantiques pour les glorifier et l'adorer. Tu es là. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Élevons nos voix. Bénissons le Seigneur, lui qui nous aime. C'est pourquoi il nous a donné sa parole, afin que nous puissions marcher comme lui il veut. Te bénissons Jésus, toi le Dieu ressuscité. Tu es celui qui t'est fait homme pour nous parler. Tu es celui qui nous parle jour après jour à travers tes serviteurs. Tu les conduis. Oh, c'est pourquoi nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Toi le maître des temps et des circonstances. Tu es celui qui crée des circonstances, même pour nous parler. C'est pourquoi nous te bénissons, Jésus, toi qui as souffert à notre place, qui est mort et ressuscité. Sois béni, ô notre Dieu, notre Seigneur, toi le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le seul vrai Dieu. Il était impossible que les liens de la mort te retiennent dans la tombe. C'est pourquoi nous bénissons ton nom en ce moment. Nous te rendons toute la gloire. Toi, le Dieu souverainement élevé, toi qui es assis à la droite du Père. Oh, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, nous magnifions ton nom en ce moment. Que l'honneur te revienne, notre Seigneur et notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à l'émission OSB. Notre texte du jour, c'est Romains chapitre 1, 18 à 32. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquentevie.com. Il s'agit de l'émission OSB, Opération sur la brèche. Nous venons de voir la manifestation de la colère divine, des jugements divins. Se manifeste contre ceux qui commettent l'injustice, ceux qui vivent dans l'impiété, ceux qui retiennent la vérité injustement captive. Les gens qui ont rejeté la révélation naturelle de Dieu, qui vivent dans l'idolâtrie, nous allons prier le Seigneur pour implorer sa grâce, pour lui demander pardon, parce que nous voyons encore ces choses se commettre dans nos milieux aujourd'hui. Et nous allons prier pour que Dieu se révèle à tous ceux qui commettent encore toutes ces choses-là, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Tendre Père, ce matin nous te glorifions. Seigneur, nous exprimons notre reconnaissance Parce que lorsque nous nous sommes couchés hier, nous n'avions pas forcément l'assurance que nous allions nous réveiller ce matin. Mais tu as veillé sur nous. Tu as permis à ce que nous puissions nous endormir et nous réveiller ce matin pour te louer et pour te glorifier. Nous sommes reconnaissants pour ces différents privilèges que tu nous accordes chaque jour. Nous venons à toi ce matin prier et intercéder pour tous ceux qui n'ont pas ta crainte. Parce que tu as dit dans ta parole que l'homme qui aime la vie, l'homme qui désire prolonger sa vie pour jouir du bonheur doit préserver sa langue du mal, ses lèvres des paroles trompeuses. Il doit éloigner de lui tout mal, faire du bien, rechercher et poursuivre la paix. Mais nous venons de voir cet avertissement de l'apôtre Paul pour ceux qui ont rejeté le bien, pour ceux qui ont fait du mal leur projet particulier. Nous prions au Père éternel en leur faveur. Nous intercédons en leur faveur au Père éternel parce qu'ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image corruptible. Délivre-les des voies du mal. Nous prions et nous prenons autorité sur la puissance du malin sur leur vie et nous déclarons leur délivrance en ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père éternel. Parce que nous avons l'assurance que leur activité inique a été anéantie au nom de Jésus. Manifeste-toi dans leur vie, ô Père éternel, et fais en sorte qu'ils puissent se tourner une fois de plus vers toi et déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Merci, Père, pour ton bonheur que tu nous donnes. Merci pour les privilèges et la grâce que tu nous donnes. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier de manière spéciale contre l'esprit d'idolâtrie. Nous voyons que partout, il y a beaucoup de gens qui vivent dans l'idolâtrie. L'idolâtrie sous toutes ses formes, il y a des gens qui adorent les statues, il y a des gens qui adorent des bois sacrés, les idoles sacrées, il y a des gens qui se livrent dans le mysticisme, qui adhèrent dans les sciences mystiques. Au lieu d'adorer le vrai Dieu, ils adorent autre chose. Il y a des gens qui adorent l'eau, le soleil, les serpents, d'autres divinités. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il puisse les libérer de ces choses. Même dans nos églises, il y a des gens qui pratiquent les œuvres de sorcellerie, de fétichisme. Nous allons prendre autorité contre toutes ces œuvres et prions pour que tous ceux qui vivent dans ces choses soient libérés au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche. Nous voulons te dire merci, notre Dieu, notre Père, pour ta parole, pour la vie, pour ton esprit. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu nous as rachetés et tu as fait de nous des enfants de Dieu. Notre rôle, notre devoir, oui, c'est d'adorer le Dieu créateur. C'est ce que tu as dit au diable dans le désert, quand il est venu te tenter. Tu as dit, c'est Dieu seul qui mérite d'être adoré. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te magnifier. Nous voulons te glorifier, te psalmodier, te reconnaître comme le maître de toutes choses, le Seigneur, le véritable, le suprême, le majestueux, le redoutable. C'est devant toi qu'on peut s'agenouiller. C'est vers toi qu'on peut lever les mains. C'est devant toi qu'on peut incliner la tête contre le sol, la terre. C'est toi seul qui dois recevoir notre adoration, notre célébration. Ce matin, nous voulons encore te renouveler cet acte qui mérite notre Dieu, notre Père, d'être exercé par tes enfants. Parce que tu nous as créés pour te louer, pour te célébrer. Seigneur, tu nous demandes de ne pas adorer les idoles. Daniel et ses amis ont refusé d'adorer la statue. Et ils ont souffert. Tu les as gardés. Tu les as protégés. Tu as veillé sur leur vie. Nous voulons t'adorer. Nous voulons t'acclamer. Nous voulons reconnaître ta seigneurie sur notre vie. Nous et nos familles. Nous et nos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous venons de voir que Dieu a livré certaines personnes à des pratiques impures. Il y a des hommes qui commettent les choses infâmes avec hommes, les femmes avec les femmes, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier. Quand nous voyons la montée aujourd'hui de l'homosexualité, nous voyons que notre monde court à la dérive. Implorons la grâce divine. Prions pour nos autorités, pour que réellement, là où cela n'est pas encore autorisé, que Dieu fasse en sorte qu'ils comprennent que ce n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Prions pour l'Église aujourd'hui, qui subit parfois des pressions, parce qu'il y a certains qui acceptent tout simplement parce qu'ils ont besoin de recevoir les financements quelque part. Prions pour que nous puissions nous repentir de ces choses-là. Prions l'Éternel pour qu'il nous fasse grâce au nom de Jésus-Christ. Tu es Dieu, quel que soit le temps, tu demeures Dieu. Les années, tu demeures Dieu. Quelles que soient les autorités et quelles que soient les décisions prises dans une nation, dans les continents, tu demeures Dieu. Oui, la Bible dit, et moi je t'ai dit que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Seigneur, quelle que soit la montée de l'homosexualité, la montée des vices, des fléaux, quelle que soit la montée, oui, de la perversité, quelles que soient les décisions que les autorités prennent pour que des péchés soient adoptés, soient acceptés, soient dans les pays. Père, je prie que ta main de grâce continue de préserver ton église, continue de préserver tes enfants. Mon Dieu et mon Père, notre prière, que tu renouvelles, tu touches les pensées de ces autorités, car souvent leurs décisions ne sont pas toutes, oui, de la volonté parfaite de Dieu. Vont à l'encontre de ta volonté, de la parole, de tes commandements et de tes lois. Soutiens ton église, soutiens tes enfants. Les leaders se repentent de ces sujets et que ces leaders prient. Suscite des temps, des moments de prière pour la conversion de cette multitude d'autorité, de cette multitude d'âmes non converties. Merci d'étendre ta main et de garder ton église. C'est une église sainte, sans tache ni ride. Purifie tes enfants. Donne-leur de faire la différence. Seigneur, merci et merci parce que ta parole dit, quand les justes se multiplient, c'est la gloire du roi. Merci de multiplier les justes dans nos différents pays à la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Nous rappelons que les dimanches prochains, nous aurons notre rencontre bonheur conjugal pour les célibataires. Nous aurons deux sessions, c'est-à-dire la première session sera de 16h à 18h et la deuxième session de 18h à 20h. Ce sera au Super. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter. louanges.